Les religions des Arabes. La plupart des Arabes avaient suivi l'appel d'Ismaël, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, adoptant ainsi la religion de son père Abraham, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Ils adorèrent Dieu, proclamèrent son unicité et suivirent sa religion longtemps durant, avant d'oublier toute une part du rappel qui leur avait été signifié. Cependant, ils préservèrent le monothéisme ainsi que divers aspects cultuels de la religion d'Abraham, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, jusqu'au jour où émergea Amr, fils de Luhay. Ce dernier était réputé pour sa droiture, ses aumônes, son respect de la religion, c'est pourquoi il était aimé et obéi, les gens voyant en lui un savant éminent et un être remarquable parmi les alliés de Dieu. Parti pour la Syrie, il avait vu les gens adorer des idoles, phénomène auquel il apporta son adhésion pleine et entière, la Syrie étant le lieu où émergèrent messagers et écrits divins. De retour à la Mecque, il apporta avec lui une idole, Hubal, qu'il plaça au milieu de la Kaaba et exhorta les siens à l'adorer. Le polythéisme se propagea alors assez facilement dans toute la Mecque et de là, dans l'ensemble du Hijaz, les Mécois étant les gardiens de la maison sacrée et de l'ensemble du territoire sacré. De nombreuses idoles portant des noms différents furent introduites dans cette région. Une idole dénommée Manat, par exemple, était adorée en un lieu appelé Al-Mushallal, près de Qadid, au bord de la mer Rouge. Une autre, Al-Lat, à Taif. Une troisième, Al-Uzza, dans la vallée de Nakhla, et ainsi de suite. Le polythéisme prévalut et le nombre d'idoles augmenta partout dans le Hijaz. Qui plus est, on rapporte que Amr, fils de Luhay, aidé par un génie ensorceleur, put déterrer les idoles du peuple de Noé, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Ses idoles étaient Wad, Suar, Yarouth, Yarouk et Nasr, et il les porta à Tihama. La saison du pèlerinage venue, il confia à chaque tribu une idole. Ainsi, toutes les tribus arabes eurent désormais chacune une idole qu'elles vénérèrent en dehors de Dieu. Dans la maison sacrée furent disposées de nombreuses statues, qui y demeurèrent jusqu'au jour où le prophète, alayhi salatu wassalam, entrant à la Mecque en l'an 8 de l'Hégire, les fit sortir de la mosquée sacrée et ordonna de les brûler. Il y en avait en tout 360. Le polythéisme et l'adoration des idoles devinrent la principale caractéristique de la religion des Arabes de la période anté-islamique, en dépit de leur prétendue allégeance à la religion d'Abraham, alayhi salatu wassalam. Les Arabes se conformaient dans le culte rendu aux idoles à des traditions et des cérémonies spécifiques forgées par Amr, fils de Luhay, mais qu'ils considéraient comme étant de bonnes innovations qui n'avaient nullement changé la religion d'Abraham, alayhi salatu wassalam. Voici quelques traits marquants de leur adoration des idoles. Ils étaient assidus au culte des statues, recherchaient leur protection, les appelaient, imploraient leur secours dans la difficulté et le besoin, croyant qu'elles pouvaient intercéder en leur faveur auprès de Dieu et qu'elles avaient le pouvoir de réaliser leur volonté. Ils leur vouaient le pèlerinage, procédaient à des tours rituels autour d'elles, s'humiliaient et se prosternaient devant elles. Ils recherchaient leur faveur en leur consacrant des offrandes qu'ils immolaient en leur nom. C'est à cela que fait allusion le Coran. « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdites aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées. » Sourate 5, verset 3, selon le sens du verset. « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. » Sourate 6, verset 121, selon le sens du verset. Ils assignaient aux idoles une partie de leur nourriture, de leur boisson, de leur bétail et de leur récolte. Ils agissaient de même à l'égard de Dieu, mais le plus souvent, ils trouvaient des motifs pour réorienter vers les idoles des dons dédiés à Dieu sans jamais faire le contraire. À ce propos, le Coran déclare « وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé en fait de récoltes et de bestiaux, et ils disent « Ceci est à Allah, selon leurs prétentions, et ceci à nos divinités. » Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. Sourate 6, verset 136, selon le sens du verset. Ils recherchaient également les faveurs des idoles en leur consacrant une partie des récoltes et des troupeaux. Le Coran précise à propos de cela, « Et ils dirent, « Voilà des bestiaux et des champs frappés d'interdiction, n'en mangeront que ceux que nous voudrons, selon leurs prétentions. Et voilà des bêtes dont le dos est à bout, et des bêtes sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom d'Allah, des inventions contre lui. Il les rétribuera pour ce qu'ils inventaient comme mensonges. » Sourate 6, verset 138, selon le sens du verset. Il marquait d'un tabou certains animaux, tels que la chamelle qui avait mis bas cinq femelles, appelée Bahira, la chamelle mise en liberté au nom d'une idole, Sa'iba, la brebis qui avait mis bas à cinq reprises des jumelles, la Wasila, et le chameau étalon qui avait été très fécond, le Ham. Nous lisons dans le Coran, « Allah n'a pas institué la Bahira, la Sa'iba, la Wasila, ni le Ham. » Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Sourate 5, verset 103, selon le sens du verset. Il a été rapporté, d'après Saïd ibn al-Musayyib, que ces bêtes étaient consacrées aux idoles vénérées par les associateurs. Un hadith élevé, rapporté dans le Sahih, affirme que Amr, fils de Luhay, a été le premier homme à avoir laissé paître librement une chamelle pour en faire une sa'iba. Les Arabes étaient convaincus que ces idoles les rapprochaient de Dieu et qu'elles intercédaient auprès de lui en leur faveur. Le Coran dit « C'est à Allah qu'appartient la religion pure », tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Sourate 39, verset 3, selon le sens du verset. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre ?» Pureté à lui. Il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Sourate 10, verset 18, selon le sens du verset. Une autre pratique païenne consistait dans la consultation du sort au moyen de flèches divinatoires, al-azlam. De façon analogue, al-maysir. Les Arabes tiraient au hasard les flèches d'un sac afin de savoir à qui est chère à telle ou telle partie du chameau égorgé. De plus, ils se fiaient sans réserve aux élucubrations des devins, des voyants et des astrologues. La crédulité face aux dires des astrologues conduisait les gens à attacher une importance particulière au mouvement des étoiles qui se dirigeaient vers leur coucher, au point de dire « nous avons eu de la pluie par telle ou telle étoile ». Ils croyaient au mauvais augure. Ils effarouchaient un oiseau ou une gazelle et observaient la direction qu'ils prenaient. Si l'animal se dirigeait vers la droite, c'était un bon présage, ils accomplissaient alors leur dessein. Mais s'ils s'orientaient vers la gauche, il s'agissait d'un mauvais augure et ils s'abstenaient d'exécuter leur projet. Croiser un volatile ou quelque autre animal sur le chemin était un mauvais présage. Certains jours, mois, animaux, demeures ou femmes étaient considérés comme porteurs de mauvais présages. Ils croyaient également à la contagion et que la chouette représentait l'âme d'un individu assassiné. Elle errait sans jamais connaître le repos jusqu'à ce qu'elle soit vengée. Malgré cela, les Arabes de l'époque anté-islamique veillaient à préserver certaines traditions abrahamiques. Ils tenaient en haute estime la maison sacrée, tournaient autour d'elle, accomplissaient le Hajj et la Omra, le grand et le petit pèlerinage, le rite de la station à Arafat et à Muzdalifa, et offraient des bêtes de sacrifice. Ces traditions étaient suivies fidèlement en dépit des innovations venant les altérer. Ainsi, les Qurayshites se faisaient appeler Homs, les gens de l'enceinte sacrée, et ils disaient « Nous sommes les descendants d'Abraham, les gens de l'enceinte sacrée, les gens du Haram, les gardiens de la maison de Dieu et les habitants de la Mecque. Nul parmi les Arabes n'a le droit et le rang qui sont les nôtres. Ils ne nous sciaient pas de sortir de l'enceinte sacrée pour nous rendre à Arafat où les autres effectuent la station. Ils ne s'arrêtaient pas à Arafat et refluaient de Muzdalifa au lieu de Arafat comme le faisaient tous les autres pèlerins. C'est pourquoi Dieu révéla ce verset « Ensuite, déferlez par où les gens déferlent. » Sourate 2, verset 199, selon le sens du verset. Il disait aussi qu'il ne convenait pas aux gens de l'enceinte sacrée, aussi longtemps qu'ils étaient en état de sacralisation, de consommer du fromage ou du beurre fondu et salé, d'entrer dans une tente faite de poils de chameau ou de rechercher de l'ombre si ce n'est à l'intérieur d'une maison faite de cuir. Il prétendait que les pèlerins non originaires de l'enceinte sacrée ne pouvaient, une fois dans celle-ci, manger la nourriture qu'ils avaient emportée avec eux. Il leur ordonnait également d'effectuer le premier circuit autour de la Kaaba, vêtus de vêtements appartenant aux gens de l'enceinte sacrée. S'ils n'en trouvaient pas, ils tournaient autour de la Kaaba nus. Les femmes, elles, n'avaient le droit qu'à une pièce de vêtement cachant leur bas-ventre. Dieu a dit à ce propos « Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, de prière, portez votre parure, vos habits. » Sourate 7, verset 31, selon le sens du verset. Lorsque le pèlerin étranger à la Mecque gardait ses propres habits lors du premier circuit autour de la Kaaba, il avait l'obligation de les abandonner pour toujours une fois les tours rituels, le tawaf, terminés. Lorsque les Mécois étaient dans un état de sacralisation en vue du pèlerinage, ils n'entraient chez eux que par une ouverture percée à l'arrière de leur maison. Ils considéraient un tel comportement comme étant un acte de piété. Cette pratique fut interdite par le Coran. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes, et craignez Allah afin que vous réussissiez. Sourate 2, verset 189, selon le sens du verset. Telle était la vie religieuse dans la péninsule arabique. Polythéisme, idolâtrie et superstition. Le judaïsme, le christianisme, le mazdéisme et la religion des Sabéens, cependant, s'installèrent aisément chez les Arabes. L'émigration juive en Arabie depuis la Palestine s'est déroulée en deux phases. D'abord, elle fit suite aux persécutions de Nabucodonosor qui détruisit le temple de Jérusalem et déporta la plupart des Juifs à Babylone en 587 avant Jésus-Christ. Quelques Juifs quittèrent la Palestine pour le Hijaz où ils s'établirent dans ses contrées nord. La seconde phase commença au moment de l'occupation romaine de la Palestine en l'an 70 de notre ère. Il y eut alors une immense vague migratoire juive au Hijaz, à Yathrib, à Khoybar et à Toyma notamment. Là, ils bâtirent des forts et des châteaux et furent à l'origine de la conversion de plusieurs tribus. Le judaïsme joua un rôle important dans la vie politique de l'Arabie anté-islamique ainsi qu'à l'aube de l'islam. Les tribus juives possédant une grande notoriété étaient au début de l'islam Khaybar, An-Nadir, Al-Mustaliq, Qurayza et Qaynuqa. As-Samhoudi dénombre dans son livre Wafa ul Wafa plus de 20 tribus juives. Le judaïsme s'implanta au Yémen par le biais de Taban As'ad Abu Karb. Ce dernier, de retour de Yathrib, se fit accompagner par deux rabbins juifs des Banu Qurayza. Lorsque son fils Yusuf Dhunuwas lui succéda, il attaqua Najran et invita la population chrétienne à embrasser le judaïsme. Lorsqu'elle refusa, il fit creuser un grand fossé qu'il transforma en un grand bûcher où il jeta hommes, femmes, enfants et vieillards. Le nombre de victimes atteignit, selon certaines sources, 20 à 40 000 individus. Cela eut lieu au mois d'octobre de l'an 523 de notre ère. Le Coran rapporte une partie de cette histoire dans la sourate 85. Le christianisme fit sa première apparition dans la péninsule arabique suite à la colonisation abyssine et plus tard romaine. Les Abyssins arrivèrent au Yémen pour la première fois en 340 de l'ère chrétienne et y demeurèrent jusqu'en 378. À la même époque, les gens de Najran se convertirent au christianisme. Lorsque les Abyssins menèrent des représailles contre Zunnuwas et qu'Abraha devint gouverneur du Yémen, il s'attela à la propagation de la religion chrétienne, allant jusqu'à bâtir un édifice à la forme carrée et formant un cube dans le but d'en faire la nouvelle Kaaba et d'obliger les Arabes à s'y rendre en pèlerinage. C'est dans ce dessein qu'il décida de démolir la maison sacrée à la Mecque. Mais Dieu le saisit d'une peine exemplaire dans la vie dernière comme dans la première. Les Arabes rassanides, les tribus de Taghlib et de Tay notamment, en raison de leur voisinage de l'Empire romain, embrassèrent le christianisme. Il en fut de même pour certains rois de Hira. Le mazdéisme était une religion populaire parmi les Arabes vivant à proximité de la Perse, en Irak, à Bahreïn, à Hajar et dans certaines régions bordant le golfe Persique. Des Yéménites l'embrassèrent sous l'occupation perse. Quant à la religion des Sabéens, l'exploration de grottes en Irak a révélé qu'elle fut, dans les époques les plus reculées, populaire chez les Syriens, les Yéménites et les Chaldéens, peuple d'Abraham, alayhi salatu wassalam. Cependant, avec la venue du judaïsme et du christianisme, elle leur céda progressivement la place, bien qu'elle conservât des disciples en Irak et près du golfe Persique, vivant parfois mêlés aux disciples du mazdéisme ou dans leur voisinage. La situation religieuse. Ainsi se présentait donc la vie religieuse des Arabes avant la venue de l'islam. Le rôle que jouaient les principales religions était très marginal et insignifiant. Les polythéistes, qui dénaturèrent la religion d'Abraham, alayhi salatu wassalam, étaient très détachés de ses prescriptions et de la moralité prônée par elle. Ils sombrèrent dans la désobéissance et l'impiété et développèrent certaines superstitions religieuses qui imprégnèrent profondément la vie sociopolitique dans l'ensemble de l'Arabie. Quant au judaïsme, ses adeptes devinrent orgueilleux et enclins à la domination. Les rabbins se posèrent en seigneurs en dehors de Dieu, exerçant un pouvoir dictatorial sur leur peuple, demandant des comptes sur les pensées et les chuchotements. Leur seul objectif devint l'acquisition du pouvoir et des richesses, fût-ce au prix de la perte de leur religion, de l'émergence de l'athéisme et de l'incroyance. Le christianisme se teinta également de polythéisme et devint très difficile à comprendre, confondant Dieu avec l'homme. Il n'avait pas d'influence véritable sur les Arabes qui l'adoptèrent, car il était étranger à leur style de vie dont ils ne pouvaient se détacher. Quant aux tenants des autres religions parmi les Arabes, ils ne différaient en rien des associateurs. Leurs cœurs se ressemblaient, de même que leurs dogmes, leurs coutumes et leurs traditions.